Les découvertes musicales de Fadjet. Découvrez le chanteur bruxellois Dibi Black avec son titre « Blessé ». Son cœur, elle s'est donnée à toi, aveugle était sa confiance en toi. Elle s'est donné tant de mal pour que vous deux ça marche, mais toi tu ne vois pas tout ça. Et tu lui as promis la belle vie, lui décrocher la lune, forcément elle y a cru et dans tes yeux c'est perdu. Pourtant elle n'était pas sûre, mais son cœur lui a dit vas-y, c'est lui à coup sûr. Tu l'as déçu. Ah, blessé, mon gars, tu l'as blessé. Elle va pas te le pardonner, donner. Et tu l'as blessé. Elle va se relever. Elle te fera payer. Va falloir assumer. Fallait pas jouer avec elle, tu lui as vendu que du rêve. Elle est partie voir ailleurs et maintenant tu veux qu'elle revienne. Fallait pas jouer avec elle, elle est partie pour de vrai. Et toi, tu n'es qu'un beau parleur. Fallait pas jouer avec elle, tu lui as vendu que du rêve. Elle est partie voir ailleurs et maintenant tu veux qu'elle revienne. Fallait pas jouer avec elle, elle est partie pour de vrai. Et toi, tu n'es qu'un beau parleur. Qu'elle est naïve, t'as cru qu'elle était acquise. Maintenant tout est fini, elle t'a zappé, elle t'a barré. Pas de retour en arrière, va falloir lâcher l'affaire. Elle est partie voir ailleurs, mais qu'est-ce que tu croyais? La route on t'a voulu, je suis de table. Et maintenant tu finis solo, à qui la faute? Et stop, excès de confiance, mauvais karma, retour de flamme. Vas-y. Tu l'as déçu. Blessé, mon gars, tu l'as blessé. Elle va pas te le pardonner, donner. Et tu l'as blessé. Elle va se relever. Elle te fera payer. Va falloir assumer. Fallait pas jouer avec elle, tu lui as vendu que du rêve. Elle est partie voir ailleurs et maintenant tu veux qu'elle revienne. Fallait pas jouer avec elle, elle est partie pour de vrai. Et toi, tu n'es qu'un beau parleur. Fallait pas jouer avec elle, tu lui as vendu que du rêve. Elle est partie voir ailleurs et maintenant tu veux qu'elle revienne. Fallait pas jouer avec elle, elle est partie pour de vrai. Et toi, tu n'es qu'un beau parleur. C'était Blessé par Dibi Black sur Fadjet dans les découvertes musicales.